La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Bonjour et bienvenue au programme du Club de la Tête au Carré ce vendredi. Une enquête sur l'exploitation des forêts françaises, une exposition sur le peuple Kalash du Pakistan et deux nouveaux doctorants qui participeront à la finale 2019 du concours Ma Thèse en 180 secondes. Je vous présente les invités de ce club dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Daniel. Aujourd'hui à la Une de la Science, on parle de tombes découvertes sous un site Inca au Pérou. Oui Daniel, c'est une équipe de l'université de Bruxelles qui avait ces découvertes inattendues. Elle vient nuancer la vision que les scientifiques ont du lien des Incas avec les morts. On en parle dans quelques minutes avec le directeur du projet. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Irène Menahem et Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le club. Avec Daniel Fievé sur France Inter. Invité du club aujourd'hui, Jean-Yves Loud, ethnologue, Gaspard Dallance, journaliste, Valentin Chaput et Yacine Tachicarte, deux des finalistes du concours Ma Thèse en 180 secondes, et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à tous les cinq. Bonjour. Bonjour. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, France Inter est partenaire du concours Ma Thèse en 180 secondes, dont la finale aura lieu en juin prochain. Et d'ici là, tous les vendredis, dans le club de la tête au carré, nous faisons connaissance avec deux des 16 finalistes du concours. Aujourd'hui, c'est donc Valentin Chaput et Yacine Tachicarte qui sont avec nous. Vous allez donc relever ce concours, le défi qui consiste à résumer sa thèse en 3 minutes dans un langage accessible au grand public. Sur quoi porte votre thèse respective, Yacine Tachicarte? Alors, ma thèse porte sur le processus de la sénescence cellulaire et du coup sur les pathologies liées à l'âge et à l'implication de ce processus. Et principalement sur l'arthrose, comment se développe l'arthrose, ouais. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre. Donc vos travaux, hein, c'est pour que l'on vieillisse en meilleure santé. Exactement. Voilà qui semble intéressant. Valentin Chaput, quant à vous. Bonjour, donc moi je travaille sur la régulation des transporteurs de nitrate au niveau transcriptionnel et post-traductionnel chez la plante modèle Arabidopsis thaliana. Oui, vous ferez un petit peu de vulgarisation avec nous quand même, pour pas nous laisser au bord du chemin. Oui, j'ai vu des yeux s'écarquiller, ça avait l'air de faire peur quand je l'ai dit. On essaiera d'y voir plus clair avec vous tout à l'heure. Sophie Bécherel, vous avez visité l'exposition Fête Himalayenne, les derniers calages. C'est au musée des Confluences. À Lyon. Oui, elle est consacrée à un peuple autochtone inconnu de la plupart d'entre nous. Et ces Kalashs, c'est Jean-Yves Loud qui va nous les faire découvrir. Qui sont-ils? Les Kalashs forment une toute petite minorité de 3500 à 4000 membres, montagnards, paysans, éleveurs, de trois étroites vallées du nord-ouest du Pakistan, leur vallée menant à la frontière avec l'Afghanistan. Et ce sont un des derniers peuples achamans de notre planète. En tout cas, ils sont ni bouddhistes, ni hindouistes, ni musulmans, ni chrétiens dans l'arc himalayen. Ils représentent une réelle rareté. Ouais. Et vous avez passé beaucoup de temps avec eux. Hein. C'est une véritable expédition, plusieurs voyages qui sont racontés dans cette exposition. C'est une aventure de vie, oui. Ouais. On va découvrir cette aventure avec beaucoup de plaisir. Enfin, Gaspard Dallance, vous êtes journaliste et vous venez de publier un livre intitulé « Main basse sur nos forêts » aux éditions Seuil. Vous êtes allé enquêter dans les forêts de France, hein, des Landes au Morvan, de l'Auvergne aux Vosges, et vous dénoncez la façon dont nos forêts sont gérées. À vous lire, la situation est assez dramatique. Oui, en tout cas, ce que je voulais dénoncer, c'était une logique qui est à l'œuvre et qui commence à se faire sentir dans certains massifs forestiers, mais elle ne touche pas toute la forêt française, mais c'est des choses qu'on peut voir notamment dans le Limousin, dans le Morvan. C'est une industrialisation de la forêt qui calque un peu le modèle de l'agriculture intensive. Ouais, on y verra plus clair avec vous dans la dernière partie de cette émission. Voilà pour les thèmes du jour, et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de La Tête au Carré. Étranger, vous avez commis l'imprudence de pénétrer dans le temple du soleil. Vous paierez ce sacrilège de votre vie. C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné. Un extrait de Tintin et le Temple du Soleil pour introduire notre une de la science aujourd'hui, Héloïse Rambert. Oui, alors le scientifique qu'on reçoit aujourd'hui n'a pas a priori de raison de subir les foudres des Incas, mais allez savoir, Daniel, on ne sait jamais. Son équipe et lui ont découvert à Pachacamac, un des plus grands sites d'Amérique du Sud, près de Lima, des tombes sous un ancien bâtiment Inca. Et cette découverte est encore chargée de mystère, mais elle interroge sur le respect des ancêtres dans la civilisation Inca. On est en duplex avec Peter Eckhout depuis Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes spécialiste de l'Amérique du Sud et vous dirigez le projet ISHMA. Alors pourquoi est-ce que vous fouillez précisément à Pachacamac avec vos équipes ? En quoi c'est un lieu d'intérêt pour les archéologues ? Bien, tout d'abord parce que c'est un site gigantesque qui fait 6 km² et il représente à peu près 1000 années de préhistoire américaine. Nous, on s'intéresse plus particulièrement à la période Inca et à la période qui a précédé, mais il y a un potentiel énorme dans ce site avec de très nombreux temples, des palais et un degré de conservation vraiment très intéressant pour les archéologues. On est dans un paysage qui ressemble à un désert, un peu comme le désert égyptien. Et donc là, toutes les conditions sont réunies pour que tous les types de matériel soient très bien conservés, y compris les momies. Et rappelez-nous, les Incas, c'était quand et ça a duré combien de temps pour repères historiques ? Alors les Incas, on parle des Andes, c'est-à-dire le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, l'Équateur. On se situe aux alentours entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle de notre ère, moment où ils seront eux-mêmes conquis par les Espagnols. C'est donc une période relativement brève, hein. Pourtant on a l'impression de la connaître bien, cette civilisation, on en entend beaucoup parler, et finalement elle est relativement brève. Tout à fait. On estime que l'homme est arrivé en Amérique il y a entre 15 et 25 000 ans. Et la civilisation Inca elle-même, qui est l'une des plus connues, finalement ne couvre que quelques générations. Mais elle est la pointe émergée d'un immense iceberg de très nombreuses cultures et civilisations qui se sont développées dans tout ce continent et en particulier dans les Andes. Alors, pour revenir à votre découverte, ce cimetière, vous le cherchiez spécifiquement ou vous l'avez trouvé un peu par hasard finalement ? Non, on ne le cherchait pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour le moment, en tout cas, dans cette phase du projet, c'est la question du pèlerinage à Pachacamac, puisque ce site faisait l'objet d'un grand pèlerinage à cause d'un sanctuaire important qui s'y trouvait. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passait pour les pèlerins quand ils arrivaient là. Et ça, on parle de l'époque Inca. Et en réalité, en fouillant l'un des bâtiments pour trouver justement des témoignages de ces activités, on est tombé sur des sépultures qui sont pré-Inca. Le matériel qu'elles contiennent montre qu'elles sont 500 ans plus anciennes au moins que les Incas eux-mêmes. C'est une surprise pour vous. Qu'est-ce qu'on ressent quand on tombe sur ces tombes ? Eh bien, en réalité, c'est une surprise, certes, mais il faut pas imaginer ça comme Toutankhamon. On ouvre la porte et soudainement, on voit des merveilles. Hein. Ah, c'est pas quelque chose. Non, je suis désolé, c'est pas vraiment le cas. Non, c'est très progressif parce que on travaille dans du sable. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, il faut maintenir des profils, comme on dit en archéologie, où on fait des beaux trous tout carrés, hein, et avec des profils qui nous permettent de comprendre la succession des événements à travers le temps. Et donc, cela apparaît peu à peu. On dit, ah tiens, il y a quelque chose qui ressemble à un morceau de bois, curieux, et puis ensuite un ossement, et puis ensuite autre chose, et puis là, petit à petit, on découvre et on fouille soigneusement, évidemment, ce que l'on appelle le contexte archéologique, et ici, en l'espèce, des sépultures. Vous avez retrouvé des tombes et des restes humains, hein, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc, on a des fosses qui étaient couvertes par des sortes de petits toits en bois et en matériaux périssables, et à l'intérieur de ces fosses, on a une ou plusieurs momies. Alors, des tombes, je crois que vous en avez déjà trouvé beaucoup sur ce site. En quoi cet événement est notable ? C'est le remplacement qui fait la curiosité de votre découverte ? Ah, on a une coupure. Est-ce qu'il est encore avec nous, notre archéologue, au moment où on allait en savoir plus sur ces tombes découvertes chez les Incas ? Pas de chance. On a perdu la liaison avec Bruxelles. On l'a perdu, cette liaison avec Bruxelles. Et Héloïse, quelques mots tout de même, quand même, sur l'intérêt de cette absolument, découverte. Ce qui faisait l'intérêt de la découverte, c'était que donc les tombes étaient sous le bâtiment Inca et donc étonnent les scientifiques parce qu'on imagine toujours que les Incas sont très respectueux des ancêtres et ne touchent pas aux sépultures. Et là, il semblerait qu'ils aient vu ces tombes et que malgré tout, ils aient décidé de faire les fondations de leur bâtiment à cet endroit. Donc, je ne sais pas si on va récupérer notre scientifique. Je jette un œil un petit peu désespéré à la régie. C'est dommage parce qu'il était très clair, Peter. Il était très clair et intéressant. Il nous aurait certainement dit que les certitudes qu'on... Il est là. Alors, Peter Eckhout, vous allez nous aider. Dites-nous, pourquoi est-ce que c'est étonnant parce que je le fais comme moins bien que vous. C'était très bien quand même. En quoi cette découverte est étonnante? Eh bien, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'on est dans les couches de fondation d'un bâtiment, que les Incas eux-mêmes, tout comme nous, bien des années plus tard, sont tombés par hasard sur ces sépultures, mais qu'ils ne les ont pas respectées. En fait, ils les ont en partie détruites, et ils ont, au cours du processus d'ailleurs, prélevé la plupart des crânes des individus qu'ils ont rencontrés. C'est très étonnant. Alors, est-ce que j'avais raison quand je disais que jusque-là, on pensait les Incas très respectueux des morts de manière générale? Bah, c'est ce qu'on sait par les conquistadors et par les prêtres qui les ont accompagnés lors de la conquête au XVIe siècle et qui nous décrivent des Incas comme entretenant un culte vis-à-vis de pas mal de leurs ancêtres momifiés, leur changeant leurs vêtements, leur donnant à manger, les mariant avec certaines jeunes filles, les faisant participer à la vie sociale et disons à l'exercice de l'autorité. Et ça, on en a de multiples exemples, à telle enseigne d'ailleurs que ces momies ont été brûlées par les extirpateurs d'idolâtrie parce que justement elles représentaient ce type de danger. Ah, décidément, c'est la malédiction Inca qui s'abat sur la tête dit, au carré. On remercie tout de même Peter Ekaout et puis Bruxelles pour le duplex. Merci Héloïse Rambert. À bientôt. Avec plus de réussite, j'en suis sûr. Dans un instant, on fait connaissance avec nos doctorants du jour. On part à la rencontre du peuple Kalash et on s'intéresse à l'exploitation de la forêt française avec les invités du club de la tête au carré. Mais avant cela, de l'inédit dans la tête au carré, Bruce Springsteen qui sortira un tout nouvel album intitulé Western Stars le 14 juin prochain et nous allons découvrir ensemble le premier titre Hello Sunshine, extrait de ce nouvel album. C'est la première fois qu'il est diffusé sur France Inter, le boss dans la tête au carré. Had another heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Le nouveau single Hello Sunshine de Bruce Springsteen, extrait de son album Western Stars qui sortira le 14 juin prochain. Et merci à Thierry Dupin, le programmateur musical de La Tête au Carré, pour ce joli cadeau. Autour de la table du club de la tête au carré, Jean-Yves Loud, ethnologue, avec Sophie Bécherel de France Inter, Gaspard Dalins, journaliste, et nos deux doctorants du jour, Valentin Chaput et Yacine Tachicart. C'est parti. La tête au carré, ma thèse en 180 secondes sur France Inter. À toi. Le 13 juin prochain se déroulera donc à Grenoble la grande finale du concours Ma thèse en 180 secondes. La règle, les doctorants doivent présenter en 3 minutes exactement leur thèse devant un public de profanes qui vote pour celui qui a été le plus clair et le plus convaincant. Ce concours dont France Inter est partenaire est organisé par la Conférence des présidents d'université et le CNRS. Et tous les vendredis jusqu'à la finale, le club de la tête au carré recevra 2 des 16 finalistes. Aujourd'hui, c'est donc vous, Valentin Chaput et Yacine Tachicart. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours, l'un et l'autre, Yacine Tachicart? Alors, j'ai découvert le concours l'an dernier parce que dans mon institut, plusieurs s'y sont essayés et on fait des choses extraordinaires. Et donc, il était naturel pour moi de suivre l'année suivante et de m'attaquer à cet exercice. Oui, Valentin Chaput. Moi, c'est que je me suis rendu compte que ce concours commençait à prendre beaucoup d'ampleur en France, notamment dans la communauté scientifique. Donc pas pour sa robustesse scientifique, mais plus pour sa vulgarisation et surtout pour se faire connaître. Donc je voulais faire ce concours pour montrer ma recherche. J'ai cru entendre vulgarisation. Est-ce que vous avez un peu galéré à mettre au point ces trois minutes, parce qu'effectivement, il faut être clair, il faut être convaincant et il faut qu'il y ait encore un peu de contenu dans ces 3 minutes d'explication. Oui, y a forcément du travail derrière. Mais j'appelle pas ça une galère parce que c'est en fait, on connaît nos sujets de thèse. Ce qui est très important dans ce concours, c'est de le faire connaître aux autres tout en leur disant des choses justes. Et donc en fait, en faisant ce concours, ce que ça nous montre, c'est qu'on peut apporter des choses très complexes aux gens, notamment à nos familles. Moi, ma famille, quand je lui parle de ma thèse, elle me regarde en disant « on comprend rien ». Et c'est comme dans tout emploi, quand on n'est pas dedans, on peut pas comprendre ce que fait la personne. Donc là, en fait, en vulgarisant, on essaie de faire comprendre à des gens qui n'ont rien à voir avec la science, notre sujet, et des choses très complexes. Yacine Tachicart, combien de temps vous avez passé à écrire ce texte qu'on imagine ciselé pour le concours ? Ça a été très long, il y a eu une dizaine de versions. Ouais. Et c'est... Oui, d'un côté, il faut en fait s'oublier et essayer de se mettre à la place de l'auditoire. Et donc, on teste des choses et on a les retours des gens et on améliore petit à petit pour arriver à la version finale qu'on peut voir sur YouTube. Ça veut dire que vos amis, votre famille ont essuyé les plâtres, ont vu les différentes versions, les brouillons. J'ai impliqué tout le monde. et heureusement, parce que quand on revoit les premières versions, c'était assez incompréhensible. Ah. Très bien. Alors on va voir vos versions définitives, en tout cas celles qui vous ont permis de passer le cap des demi-finales. Valentin Chaput, vous êtes donc doctorant en biologie au laboratoire de physiologie végétale, biochimie et physiologie moléculaire des plantes à l'université de Montpellier. Et voici un extrait de votre passage lors des demi-finales. Depuis que j'ai commencé la thèse, j'ai pris quelques kilos. 8 kilos. J'ai pris 8 kilos en 16 mois de thèse. Un record. La thèse a complètement déréglé ma façon de m'alimenter. Déréglé. Ce mot est extrêmement important car oui, nous sommes réglés pour manger à une certaine fréquence. En tant que biologiste végétal, je me pose la question de savoir si ce phénomène est partagé par d'autres organismes. Est-ce que les plantes sont réglées pour s'alimenter à des moments particuliers? Sont-elles gourmandes comme nous? Et ont-elles des péchés mignons? Les chercheurs du laboratoire dans lequel je réalise ma thèse ont montré que les plantes prélevaient certains de leurs nutriments pendant la journée. Parmi ces nutriments, on retrouve le Graal, le caprice inconsidéré des plantes, le nitrate. Alors le but de votre thèse, c'est de comprendre comment les plantes absorbent ces fameux nitrates. Oui. On ne le sait pas encore bien ça aujourd'hui ? On a des théories, on a beaucoup de connaissances quand même sur ce domaine-là, mais c'est encore des théories très fondamentales. Et donc en fait, ce qui est très important dans ce domaine de recherche, c'est quand, comme je le dis dans mon pitch de 180 secondes, c'est qu'en comprenant comment les plantes se nourrissent, on pourra mieux appréhender les apports en engrais dans le futur et par conséquent réduire notre impact sur la planète. Ouais. Et cette phrase est très importante car oui, depuis des années, les agriculteurs utilisent des engrais. On les a un peu forcés en définitive à utiliser ces engrais parce qu'on leur demandait d'avoir des rendements. Il ne faut pas oublier qu'un agriculteur, c'est avant tout une entreprise. Donc le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc le but de l'utilisation des engrais, c'était d'avoir plus de rendement et par conséquent d'avoir plus de récolte et avoir plus d'argent. Le problème, c'est que ces engrais, s'ils sont utilisés de mauvaise façon, si on en utilise trop, il y a dans ces engrais, donc les engrais NPK, de l'azote. Parmi cet azote, on a du nitrate, et ce nitrate est lessivable par les eaux de pluie. Mmh. Et en fait, la problématique qu'on a à l'heure actuelle, c'est que quand le nitrate se retrouve dans les cours d'eau, il va y avoir des développements très conséquents d'algues, et ça s'appelle l'eutrophisation des cours d'eau. Donc on a une pollution des cours d'eau. Donc c'est le surplus de nitrate qui n'est pas absorbé par les plantes, qui se retrouve dans les cours d'eau et qui crée ces problèmes de pollution. Donc votre idée, ça n'est pas de supprimer les engrais, mais c'est de les utiliser à la juste dose, sachant que les besoins de la plante évoluent en fonction des conditions, pour qu'il n'en reste plus ou très peu dans l'environnement. Donc ça, c'est des choses qui vont être bien en aval de mon sujet de thèse. Moi, je suis dans un sujet de thèse qui est fondamental. Donc mon but à moi, dans ma thèse, c'est de comprendre comment les plantes fonctionnent, comment les plantes se nourrissent de nitrate. Là où c'est important, c'est que si on comprend comment elles se nourrissent, si on découvre les acteurs moléculaires qui vont interférer et être impliqués dans cette absorption de nitrate, on va pouvoir, à terme, produire des plantes qui seront plus efficientes en azote. Donc des plantes qui auront des caractères génétiques qui leur permettront de pousser sur des milieux qui ont moins d'azote ou qui ont des quantités d'azote fluctuantes. Donc on peut avoir deux méthodes. Soit on a une utilisation des engrais raisonnée, soit on a des plantes qui sont plus performantes et qui demandent moins d'engrais. Vous en êtes à la combienième année de votre thèse? En général, ça dure 3 ans, hein, une thèse. Moi, je suis à ma deuxième année de thèse. Bon, ça se passe bien, ça avance au rythme que vous souhaitez? C'est une thèse. Donc une thèse, on a des bons moments, des mauvais moments, et ça nous apprend à devenir un chercheur. D'accord. Donc ça nous apprend à devenir adulte dans la science. Le passage sur France Inter, ça fait partie des bons ou des mauvais moments? Ah, c'est un super moment. Bon, bah, vous me rassurez. Yacine Tachicard, doctorant en biologie à l'université de Montpellier, à l'Institut de médecine régénératrice de la biothérapie de biothérapie, et on écoute là encore un extrait de votre présentation. Aujourd'hui, dépasser 60 ans est devenu quelque chose de normal. Et nos grands-parents, voire nos parents, malheureusement en atteignant ces âges un peu avancés, développent de nombreuses maladies. Et nous tous, même toi là-bas, notre tour arrive. Alors évidemment, on a tous envie de vieillir en bonne santé. Pouvoir rester autonome, pouvoir continuer à voyager et à profiter de notre famille le plus longtemps possible. Et l'idée jusqu'à présent, c'est qu'il faut manger du quinoa et boire du thé vert. Toute sa vie. Alors, je suis un bobo écolo, j'admets, mais plutôt ascendant qu'à faire athlète. Donc, il me faut une alternative. Et cette alternative, elle pourrait venir du concept de sénescence cellulaire. Bon, on apprend déjà que les doctorants sont gourmands, hein, parce qu'entre celui qui a pris 8 kilos en 16 mois et celui qui est ascendant raclette, tendance café. Alors, ces cellules sédescentes, pour parler plus sérieusement, Yacine Tachicard, c'est là que tout se joue au moment de la vieillesse? Alors, à la base, au début de la vie, la sénescence est un phénomène qui est très positif, qui participe à la formation des membres, par exemple, dans l'embryogenèse, qui empêche la survenue de cancer, qui est aussi là pour réparer les tissus. Et c'est beaucoup plus tard qu'il va y avoir une sorte de switch qui va se faire, avec une sénescence qui va être délétère et en s'accumulant dans nos organes, être à l'origine d'une perte de fonction et d'une maladie. Donc, c'est à ce moment-là qu'interviennent vos recherches. C'est étudier les mécanismes qui entourent ces cellules sénescentes pour éviter la catastrophe, éviter ces maladies liées à la dégénérescence. Exactement, c'est comprendre tous ces phénomènes, donc les différents stress, les différentes protéines qui peuvent provoquer l'apparition de ces cellules sénescentes dans nos tissus, caractériser ces cellules sénescentes et trouver un moyen de lutter contre... pour développer des nouveaux traitements, donc dans mon cas, contre l'arthrose. Oui. Vous, c'est plus précisément sur l'arthrose du genou. Alors, par l'arthrose exemple Oui, l'arthrose du genou, parce que c'est une des plus fréquentes, parce que c'est une articulation qu'on dit porteuse. Mais potentiellement, ma recherche pourra peut-être servir d'autres pathologies. En fait, on a remarqué que même si on a un grand concept général qui est la sénescence, en fonction de ce qu'on appelle l'inducteur, c'est le phénomène qui va provoquer la sénescence et du tissu qui est concerné, donc moi, l'articulation, ces cellules sénescentes vont avoir des caractéristiques qui vont être assez spécifiques et différentes des cellules sénescentes dans d'autres tissus. À quoi pensez-vous que ce concours va vous servir dans vos vies futures, hein? On vous voit très impliqué dans vos recherches, on vous souhaite évidemment de faire votre métier dans les domaines sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. À quoi ce concours pourrait vous servir, Yacine? Forcément, déjà, c'est de la visibilité donc le domaine dans lequel je travaille reste encore une niche. C'est des notions qui sont assez récentes. Les premières grandes études qui ont montré donc qu'on pouvait faire des médicaments sur ces principes-là, c'est 2015-2016. Donc, c'est déjà pour faire connaître ce sujet et ensuite, pourquoi pas, pouvoir le développer dans quelques années dans des équipes. Vous vous voyez où dans quelques années, justement? Quand on fait une thèse aujourd'hui en France, quand on est déjà un peu chercheur, hein, quand on fait une thèse. On fait le métier de chercheur. On fait déjà le métier de chercheur, mais comment on s'envisage ensuite? C'est assez difficile parce qu'il n'y a pas énormément de postes, ouais, en France, dans le public en tout cas. Donc, bon, forcément, on a des idéaux. On aimerait, donc, par exemple, un poste de chargé de recherche dans une grande équipe en France. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir vraiment en avance, ça va être les opportunités. Valentin Chaput, il y a beaucoup d'incertitudes quand on est jeune doctorant aujourd'hui sur de quoi sera fait demain. Je pense que à l'heure actuelle, pour tout étudiant, qu'on ait un bac plus 5 ou un bac plus 8, il y a des incertitudes. On est dans une conjoncture actuelle où c'est compliqué d'avoir de l'emploi facilement, notamment dans la biologie. Donc c'est vrai que faire ce genre de concours nous permet donc à Yacine et moi d'être plus visibles et de passer sur France Inter quand même, faut y penser. Mais voilà, surtout de montrer ce qu'on sait faire en France, parce que les gens ne savent pas trop la biologie, à quoi elle correspond. Souvent, le chercheur, quand on en parle dans la communauté sociale, les gens pensent que c'est pas forcément quelqu'un d'utile dans la société. Et donc voilà, ça nous permet de montrer notre travail, notre savoir-faire en France et nos différents métiers et les différentes études dans la biologie. Sophie Bécherel. Ce que vous montrez, c'est que le caractère extrêmement pointu et fondamental de vos recherches a quand même un impact ou aura un impact. On ne sait pas quand, mais voilà, l'agriculture pour vous, la santé de l'homme pour vous. Il y aura des applications. Alors qu'au départ, c'est difficile, vos sujets, quand même. Oui. J'aimerais dire, même si, de prime abord, un sujet ne paraît pas avoir d'application, il y a eu de très grandes découvertes sur des choses qui paraissent complètement anodines et qui nous servent aujourd'hui énormément. Alors, je l'ai dit, hein, vous avez déjà passé le stade des finales régionales et des demi-finales. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Monter sur scène pour le concours Ma thèse en 180 secondes ou passer dans les studios de France Inter? Je pense que monter sur scène n'est jamais quelque chose de naturel pour l'être humain. Alors que la radio, beaucoup plus. Là, on est totalement cosy. Je suis dans un siège, je suis bien assis et tout. On est bien chez France Inter. Non, mais voilà, ça nous pousse dans nos retranchements. Ouais. Parce que moi, ce qui est le plus stressant pour moi en tant que biologiste, c'est de faire un congrès devant mes pairs. Donc devant des scientifiques qui travaillent sur la même thématique que moi. C'est limite plus compliqué que faire un travail comme MT180. Yacine Tachikart, sur le stress de ce concours. Alors, donc c'est surtout ici, il y a une ambiance assez bienveillante, donc on est bien, on est à l'aise, il n'y a pas de souci. Et il y a le côté aussi, c'est un concours, donc il y a un côté un peu, on se sent un peu jugé quand on monte sur scène. Donc les premières secondes, il faut les passer. Ouais. Merci à tous les deux. Nous allons mettre en lien sur la page de l'émission les vidéos de votre passage lors des demi-finales du concours Ma thèse en 180 secondes. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la finale qui se tiendra donc le 13 juin prochain à Grenoble. Et d'ici là, Mathieu Vidard recevra chaque semaine deux finalistes du concours dans le club de la tête au carré. Il en reste encore 12 à découvrir. Et pour l'instant, on part à la rencontre du peuple Kalash du Pakistan. Pour lui, oh, je t'ai vu. danser. J'aimerais danser pour toi. Si tu savais ce que je vois quand je bois pas. Heureusement l'ivresse, la douce caresse qui sait me faire tenir quand il faudrait souffrir. Je te laisse à tes luttes, tes problèmes d'adulte. Moi je me désaltère dans un bain d'éther. J'ai cru que tu dansais pour lui. Oh, je t'ai vu danser. J'aimerais danser pour toi. Si tu savais ce que je vois quand je bois. Si tu savais. Si tu savais. Ce bateau, c'était Olivier Marguerite. La tête au carré, le club sur France Inter. Avec nous cet après-midi, Gaspard Dalins, journaliste, Valentin Chaput et Yacine Tachikart, deux des finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes, et Sophie Becherel, accompagnée de Jean-Yves Loud, ethnologue. Des chants kalash qui résonnent dans la tête au carré. Sophie Becherel, vous avez visité, fête himalayenne, les derniers kalash au musée des Confluences à Lyon. Oui, c'est le coup de cœur donc de cette semaine. Ouais. Pour quelle raison ? On va parler un peu plus de cette exposition qui est très colorée, qui est très belle, mais l'histoire en elle-même est extraordinaire. On l'a droit à trois jeunes gens à l'époque, Jean-Yves Loud, Viviane Lièvre et Hervé Nègre, qui finalement, après avoir lu Rudyard Kipling, ont décidé d'aller sur les lieux où se passait l'homme qui voulut être roi. C'est bien ça. Au départ, c'est dans les années 70, vous partez. Jean-Yves Loud. Oui, il y avait une rumeur à cette époque-là sur les kalash, peuple mystérieux à 300 miles au nord de Peshawar. C'est un peu comme ça que Kipling les décrit. Personne n'est encore allé dans ce... À la fin du 19e siècle, quand un Anglais n'a pas mis les pieds dans un endroit, c'est vraiment l'endroit le plus loin du monde. Donc, il a planté deux déserteurs de l'armée anglaise qui reviendront avec une tête en moins et l'autre complètement fou. Et en lisant L'homme qui voulut être roi, on a perdu aussi la tête et on a décidé d'aller voir. Il ne restait plus rien de cette région et de cette civilisation puisque les kafirs du Kafiristan ont été anéantis en 1896 par le premier roi de Kaboul. Mais de l'autre côté de la frontière, la ligne d'Uran, protégée par cette frontière, appartenant encore à l'Empire des Indes, un peuple qui s'appelle les Kalash résiste et on les considère encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les derniers kafirs, ce qui veut dire infidèles dans la bouche des monothéistes, les derniers kafirs de cette région de l'Hindoukouch. On a voulu aller le voir parce que, shocking, Monsieur Kipling a écrit cette nouvelle sans jamais y être allé. Donc on voulait aller voir ce peuple mystérieux dans les années 70, vous savez, on avait le goût de l'altérité, voir l'autre tel que nos grands-parents ne sont jamais préoccupés, sont jamais assis pour savoir la valeur des autres. Ça a été un premier voyage, j'imagine une rencontre avec ces 3 500 personnes, puisque vous y êtes retourné à 8 reprises, vous avez appris la langue et vous avez commencé un terrain d'ethnologie. Comment s'est passée la première rencontre? La première rencontre, on n'a rien compris. On ne parlait pas la langue, les Kalash ne parlaient ni français ni anglais. On a vu des danses d'été magnifiques avec les femmes Kalash qui portent une longue robe noire barrée d'une ceinture blanche, des kilos de colliers et sur la tête une double coiffe ornée de coquillages. C'est ça, c'est déjà le premier choc. Et puis, il y a ces effigies qui sont faites aux morts glorieux de la société, des têtes de chevaux qui marquent le sacré dans les sanctuaires, des sacrifices faits aux dieux et aux différents esprits de la nature. On n'a rien compris. On a cherché dans les livres, il n'y avait pas Google à cette époque-là, pas de livres à cette époque, quelques articles. On a fait le même pari que les deux déserteurs de l'armée anglaise. On a dit, eh bien, on va retourner chez les Kalash pour écrire le premier livre jamais écrit au monde sur ce peuple. On ne parlait pas mieux la langue, mais cette année-là, la chance, il en faut. Un jeune Kalash qui avait fait ses études à Peshawar de droit pour défendre les droits de cette minorité qui n'est déconsidérée, qui n'est pas valorisée et qui est harcelée par ses voisins qui refusent leurs différences, eh bien, il parlait l'anglais. Et à partir de là, on a commencé une étude de terrain à questionner les vieux, à traduire, à apprendre la langue. Et on y est allé 8 fois, c'est-à-dire 2 saisons chaque fois pour ramener le témoignage sur ce peuple inconnu. Alors, tout ce témoignage, donc il y a énormément de photographies, des choses que vous avez notées, un carnet de terrain ethnologique, des films Super 8. Vous en avez fait récemment don au Musée des Confluences et c'est ce qui donne donc lieu à cette très belle exposition. Les Kalash, c'est un peuple qui vit vraiment au plus proche du cycle des saisons, de la terre, et qui doit, dans un environnement assez hostile, lutter quand même. Alors, oui, ils vivent avec la nature, avec l'humilité des peuples que l'on admire, parce que ils savent remercier, ils savent propitier, ils savent demander. Ils font beaucoup d'offrandes, parce que quand on veut beaucoup, eh bien, il faut beaucoup offrir. Donc, ils offrent beaucoup pendant cette magnifique fête d'hiver qui s'appelle le Tchaomos, qui dure 1 mois avec des gestes rituels très précis pour demander la santé, la sécurité, la protection à des dieux bienveillants. Qu'est-ce que ça fait du bien de vivre dans une société où les dieux sont bienveillants. Bon, les esprits de la nature féminine sont à la fois jalouses et généreuses. Bon, ça dépend. Avec les hommes, puisqu'on est malheureusement dans un monde indien où il y a une séparation entre le pur et les impurs, et il n'y a pas de religion parfaite au monde, les hommes se sont arrogés les pouvoirs et le sacré, et les femmes, qui servent le prestige et l'action des hommes, bon, s'occupent de l'agriculture. Voilà, on est dans une société qui remercie au printemps pour les feuilles développées, qui remercie l'été pour les cascades de lait et les montagnes de fromage et pour les montagnes de pain et puis pour le vin en septembre, car nous sommes malgré tout dans une société d'abondance. Nous étions dans une société d'abondance et il faut de l'abondance pour refaire tous les contrats avec les dieux, avec les esprits de la nature, entre les clans et avec les morts. Les fêtes funéraires sont très très très chères. C'est une tradition lourde qui a été dictée au cours des siècles par les différents chamans. C'est une des dernières sociétés à chamans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 1000 formes de chamanisme, mais on est proprement dans une société qui se rappelle des temps de la chasse, des temps où il faut demander la permission aux esprits de la nature de délivrer un animal que l'on va chasser. On va déguiser le rapt et le crime par un contrat d'alliance. Et c'est ça le rôle des chamans qui est très important. Et là encore, la société Kalash est une dernière à avoir cette humilité, ce rapport. Et c'est extrêmement important pour notre connaissance de la pensée religieuse humaine. Les Kalash sont très importants, dévalorisés parce que un peuple qui n'a pas de livres par leurs voisins. Donc, ils... Et comment vivent-ils alors? Puisque il y a cette... Ils vivaient bien jusqu'à présent, voilà, parce qu'ils avaient le moyen de l'abondance. Mais à partir du moment où il y a eu la guerre en Afghanistan, leur vallée a servi de couloir pour les moudjahidines et pour les exilés. On a construit des maisons, on a coupé du bois pour chauffer et pour l'alimentation. Où a-t-on pris le bois? Dans les vallées Kalash. Et à cause de ce bois coupé, il n'y a plus de forêt pour retenir l'eau qui s'engouffre à toute allure dans les vallées. Et depuis 2010, il y a des inondations terrifiantes qui ont emporté les moulins, du bétail et des falaises qui soutenaient les champs. Et aujourd'hui, pour la première fois, on voit les Kalash aller acheter du blé pour les fêtes funéraires. On n'a jamais vu ça. Donc, cette abondance que l'on explique dans l'exposition Kalash, ce temps cyclique, cette reconnaissance à la nature, bientôt les Kalash vont en être privé, plus toutes les pressions qui sont faites sur convertis-toi, tu n'es pas moderne, tu n'as pas un peuple du livre. Mais les Kalash, avec beaucoup d'humour, ont dit, mais avec vos livres que vous avez écrits sur nous, eh bien, on ne pourra plus jamais dire qu'on est un peuple sans livre. On est même le peuple du dernier livre. Et je crois que pour nous, après, on a parlé toute notre vie des Kalash, mais l'exposition au Musée des Confluences nous a permis de tenir nos promesses. Les Kalash ont toujours dit, quand on partait, ils ne savaient jamais si on allait revenir, allez parler de nous. Dites au monde que nous existons. Les livres, bien sûr, mais ils ne sont pas toujours lus par un nombre immense de gens, mais l'exposition qui est ouverte depuis le 23 octobre et qui dure 14 mois jusqu'au 1er décembre, nous permet vraiment d'offrir cette considération. J'aime le mot de considération. Vous n'y êtes pas retourné depuis combien de temps ? Alors, Viviane et moi... Donc votre épouse avec laquelle vous avez fait toutes ces explorations. Nous sommes un couple d'ethnologues. Fin 90, Hervé Nègre, le photographe, est retourné en 97 et 2007, mais on est toujours resté en contact et on a eu toujours des nouvelles du peuple Kalash, sauf dans les moments sombres de l'assassinat de Benazir Bhutto. Là, les choses se sont passées, ouais. Est-ce que des Kalash sont venus pour l'exposition ? Non, ils savent. Les Kalash ont Internet à 40 km et donc on a pu envoyer les informations. Et alors, effectivement, même si tout le monde ne va pas voir les Kalash, aujourd'hui, l'avion permet à tout un chacun de voyager. Quel est l'intérêt de faire une exposition ethnologique aujourd'hui ? Alors, c'est expliquer une pensée. Donc, par exemple, toute la scénographie est sur un cercle. C'est expliquer le temps cyclique par rapport au temps linéaire, qui est notre principe. Comment une société arrive à être toujours en harmonie avec elle-même, à effacer tous les conflits en permanence, à ne pas avoir peur de l'enfer. L'enfer est une chose incompréhensible pour les Kalash, toujours une pensée ascensionnelle de l'après-vie. Et je crois que, en plus, la fête du solstice d'hiver, où on répare la société, on répare tous les contrats, et avec des rites que nous pratiquons sans savoir à quoi ils servent, comme allumer des lumières au seuil de l'hiver pour chasser les ténèbres, relancer le soleil, relancer les énergies, on fait ça avec les guirlandes. Les Kalash le font, les morts, faire des banquets pour les morts, faire des travestissements, des rites de carnaval, des rites de quête pour la bénédiction. Nous faisons tout ça. Tous les peuples de l'hémisphère nord ont eu peur des ténèbres et de la nuit, si jamais le soleil ne se réveillait pas, si jamais le printemps ne revenait pas. Tout cela est donc à découvrir dans l'exposition Fête Himalayenne, les derniers Kalash. C'est jusqu'au 1er décembre 2019. Allez-y, juste une précision, c'est une bande dessinée qui est le catalogue et qui raconte notre histoire. L'exposition est dédiée au Kalash, mais c'est une bande dessinée qui raconte notre histoire. On mettra toutes ces références sur le site de la Tête au Carré. On l'a compris, c'est un gros coup de cœur, hein, Sophie Bécherel. Oui, c'est une très belle exposition, il n'y en a plus tant comme ça. Et puis ce fond est exceptionnel, 18 000 documents, les photographies, les films, allez-y. Dans un instant, on s'intéresse à la gestion des forêts françaises avec le journaliste Gaspard Dalins, qui vient de publier un livre très critique sur le sujet. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Je suis seul et transi, il fait peur, mon pays. Vis ma vie de chômeur, je ne suis pas au meilleur. Y'a plus rien qui me tient, c'est la crise. Toi t'es bien, tu méprises mon refrain. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comment on prend de haut, comment on se sent de trop. On attend le Messie, il est là, tu vois pas. J'entends le bruit des potes, oui mais j'ai pas l'antidote. C'est le prix, tout est dit, et charrie, c'est plus l'heure. Revoici nos censeurs. Faudrait pouvoir se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent. Ferme-la pour une fois. Tu peux t'attendre au pire, les attentats, les martyrs. Qui dit vrai ? se barrer ou balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. Faudrait pouvoir se barrer, leur balancer un pavé. Vois comme on nous prend de haut, comme on se sent de trop. C'était Frère Animal, Vie ma vie sur France Inter. La tête au carré, le club. Et autour de la table du club, Valentin Chaput et Yacine Tachicarte, deux des finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes, Jean-Yves Loud, ethnologue accompagné de Sophie Bécherel de France Inter, et Gaspard Dalens, journaliste engagé qui publie Main basse sur nos forêts aux éditions Seuil. Alors, votre livre fait un constat dramatique sur l'état des forêts françaises. Ça va si mal que ça ? Eh ben, ça dépend où, mais dans certains territoires, comme je le disais tout à l'heure, dans le Morvan, dans le Limousin, dans les Landes, on assiste justement à une métamorphose des forêts qui deviennent de plus en plus industrialisées, donc avec des monocultures résineuses, des plantations et aussi des coupes rases. C'est le pendant des monocultures, vu que tous les arbres sont du même âge, on les fauche comme des champs de maïs et donc on les moissonne comme du blé. Et avec des grosses machines que vous décrivez, on a l'impression que comme des sortes de fétus de paille, on traite ça effectivement comme des champs de blé. Oui, ou comme des cure-dents même. Oui. Enfin, c'est des abatteuses, donc c'est des machines mi-tractopelles, mi-moissonneuses-batteuses. C'est au moins 35 tonnes. Donc, faut imaginer aussi les conséquences environnementales lorsque ces machines arrivent sur des parcelles forestières. C'est des tassements de sol, donc le sol devient comme une cuirasse de béton. Il y a de l'érosion aussi après dans les rivières. Donc, oui, il y a des conséquences environnementales à ce type de sylviculture industrielle. Alors, il y a un paradoxe que vous soulignez dans votre ouvrage entre l'engouement pour les arbres et les forêts. Ce matin encore, sur France Inter, Ali Rebéi recevait Peter von Leben, l'auteur de La vie secrète des arbres. Et puis en même temps, on les connaît très mal, les arbres et nos forêts. Oui, ce livre, il part d'un paradoxe, en fait. C'est-à-dire que notre société, on est au seuil d'une révolution dans notre perception du végétal. C'est-à-dire qu'on découvre aux arbres, et c'est notamment grâce au travail de Peter von Leben, qu'ils sont doués d'une certaine forme de sensibilité, d'une capacité de mémorisation, d'apprentissage. Donc il y a un engouement pour l'arbre. Mais sur l'état de nos forêts, sur l'état de santé et sur la qualité de nos forêts, on n'y connaît rien, quoi. Et pourtant, c'est 30% de notre territoire. Enfin, ouais. Et c'est 16,9 millions d'hectares. Et donc, voilà, je voulais partir de ce constat-là, d'une forme de dépossession d'un pan entier de notre territoire national et décrire l'état de santé réelle de nos forêts. Pourtant, on dit souvent que la forêt française augmente en superficie, ce qui est vrai. Mais vous dites, ça cache une réalité moins glorieuse. Oui, parce que couvrir une surface ne dit rien sur l'état de santé de nos forêts, encore une fois. C'est-à-dire, en fait, on subit pas de déforestation en France. On subit une forme de ce qu'on pourrait appeler de malforestation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'abondance. Nos forêts augmentent, comme il y a une forme d'abondance dans l'agriculture, sauf que la qualité des peuplements, la qualité de nos forêts, baisse drastiquement. Ouais. C'est-à-dire que 51% de nos forêts ne sont composées que d'une seule essence. 16% de plus de deux essences. Donc voilà, on arrive vers, dans certains territoires, dans des forêts qui ne sont plus que des champs d'arbres, et donc avec un désert, une forme de désert biologique. Dans quelle région vous êtes allé pour votre enquête ? Le Limousin, le Morvan, les Landes, surtout des forêts privées en fait. Mais il faut savoir que la forêt publique, qui est un peu le dernier rempart contre l'industrialisation, subit quand même aussi des transformations fortes, notamment ce que un dirigeant de l'ONF disait, il faut créer partout, c'était dans les années 70 déjà, une obsession de la productivité. C'était cette formule-là. Et aujourd'hui, les services de l'ONF et notamment les techniciens forestiers qui sont dans nos forêts subissent aussi une pression très forte. Il faut imaginer qu'ils sont passés de 15 000 employés à 9 000 employés, leur surface des forêts que chacun technicien gère a doublé de 900 à 1600 hectares. De 900 à 1600 hectares. Ouais. Donc voilà, il y a aussi une vague de suicides aussi forte qu'à France Télécom, mais on n'en parle pas en fait. Depuis 2003, il y a eu plus de 50 suicides de techniciens à l'ONF. Donc voilà, c'est une situation qui est certes dramatique sur un point de vue écologique, mais parlons aussi de la question sociale en fait. Tout ça est lié, et aussi de la gabegie financière, parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas assez, mais quel est le deuxième poste de dépenses dans notre balance commerciale, le deuxième poste de déficit commercial de la France, après les hydrocarbures, juste après les hydrocarbures. Les hydrocarbures, on peut comprendre parce qu'on n'a pas de pétrole en France, mais et le deuxième poste, c'est les forêts, c'est le bois. C'est qu'on importe. Oui, voilà. Et en fait, on exporte les grumes de chêne, notamment en Chine, et ils nous reviennent en forme de meubles. Mais donc, il y a une perte de plus-value énorme. C'est autour de 6 milliards d'euros par an. Alors, vous êtes allé dans le Morvan, hein, parmi les régions que vous avez explorées. Et je vous propose justement que nous nous y rendions avec Denis Chessou et Lucienne Haez, vice-présidente de l'association Autun Morvan Écologie. Actuellement, on pense qu'il y a plus de 50% de résineux sur toutes les surfaces de forêt du Morvan. Alors, traditionnellement, il y avait du chêne, du hêtre, des érables, du merisier. Et c'était une forêt étagée, mélangée. Il y avait aussi des parcelles de hêtres et sapinières. Oui. Le sapin était très adapté parce que bon, les résineux, en soi, c'est pas l'essence qui pose problème dans le Morvan. Le problème, c'est la sylviculture qui est rattachée à cette espèce. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on parle Douglas dans le Morvan, en général, c'est après avoir fait une coupe à blanc de forêt de feuillus mélangée, étagée, on dessouche et on laisse le sol complètement à plat, à nu. C'est ce qu'on voit là, d'ailleurs. Voilà, là, juste derrière, voilà. Et on replante en rang d'oignon des plants de Douglas. Extrait de CO2, Mon amour de Denis Chessou, daté de mars 2012. Et ça reprend finalement une question qui nous arrive de Sophie. Je me demande pourquoi à chaque fois qu'il y a déforestation pour l'exploitation des arbres, les arbres replantés sont systématiquement des sapins, alors qu'avant l'abattage des arbres, il y avait plusieurs essences d'arbres. C'est aussi un phénomène que vous dénoncez, oui, Gaspard Dalens. Dans le Limousin, par exemple, on voit que 9 plants sur 10 qui sont plantés dans ce massif forestier sont du Douglas. Donc c'est un sapin qui vient des côtes du nord-ouest des États-Unis, qui peut vivre plusieurs centaines d'années, qui est un arbre magnifique, hein. Son bois, il est imputrescible. Mais aujourd'hui, en fait, à quoi il sert dans le Limousin? Il sert à faire de la palette et il est coupé tous les 35 ans. Et donc, faut imaginer que on le coupe avant sa maturité. Or, un arbre a besoin de minéraux. Il pompe des minéraux pour grandir. Et c'est seulement quand il arrive à maturité qu'il les redistribue dans le sol. Donc, finalement, on stérilise peu à peu aussi les sols. Et on ajoute aussi, c'est des forêts qui sont sous perfusion d'engrais phosphatés, de pesticides. On a beaucoup parlé des pesticides dans l'agriculture. Il y a eu un débat national sur le glyphosate. Tout le monde est au courant de cette question-là. Mais qui sait que dans les Landes, plusieurs centaines, voire milliers d'hectares ont été aspergés de glyphosate, notamment pour dégager certaines parcelles des ronces, et que des apiculteurs ont été touchés, leur miel a été contaminé au glyphosate. Et j'ai rencontré ces gens, ces forestiers et aussi ces apiculteurs qui sont touchés par cette forêt devenue toxique. Oui, devenue toxique, et vous dites aussi la forêt est devenue un placement rentable, un capital financier comme un autre. On investit dans des hectares de forêt. C'est le troisième portefeuille après l'immobilier et les valeurs boursières, la forêt. C'est notamment une niche fiscale aussi par rapport à l'ISF qui a bien sûr été retiré, mais ça reste une niche fiscale. Il faut imaginer que beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'entreprises ont investi dans les forêts, notamment AXA, qui possède une superficie, un groupe d'assureurs, donc qui possède une superficie équivalente à la forêt de Fontainebleau, 21 000 hectares. Et on peut imaginer que la multinationale Louis Dreyfus en Bretagne est le premier propriétaire forestier breton. Alors un autre point aussi, hein, rapidement, vous dites que les plantations participatives, les associations qui proposent de planter des arbres pour compenser nos émissions de CO2, eh bien même ça ne trouve pas tellement grâce à vos yeux finalement. Bah, c'est une forme d'escroquerie intellectuelle en fait. On croit que c'est en plantant des arbres qu'on va pouvoir compenser notre consommation énergétique, et donc ça nous permet en fait de pas traiter les questions qui fâchent. Il faut imaginer aujourd'hui que tout le monde plante des arbres, même le groupe de rencontres sur internet Adopte un mec a planté récemment une forêt de l'amour, et donc il faut imaginer mentionnez parfois, ce sont des forêts de plantations résineuses dans les Landes. Hein. Groupama, mais aussi Carrefour a planté 60 000 hectares de forêts de plantations dans les Landes. Donc voilà, ça participe aussi à une industrialisation de la forêt. C'est un cheval de Troie. Ces plantations d'arbres, parfois, sont un cheval de Troie de l'industrialisation des forêts. Vous appelez donc à une sylviculture plus douce, plus durable, hein, concrètement Exactement, mais je n'appelle pas seulement, des gens le font en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'était de rencontrer aussi tous ces résistants forestiers qui font une sylviculture douce, une sylviculture irrégulière, c'est-à-dire qu'au lieu de planter, on va au lieu d'essayer d'adapter la nature, et ben on va l'accompagner, et donc oui, ça existe déjà, les alternatives sont là. Merci Gaspard Adalin, je rappelle le titre de votre ouvrage pour en savoir plus, il vient de paraître aux éditions Seuil, « Main basse sur nos forêts ». Sophie Becherel, on termine comme chaque semaine avec votre agenda. Quelques idées de sortie. Voilà, au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre, les abeilles, comme vous ne les avez pas souvent vues, autour des photos d'Éric Tourneret, dont c'est un sujet de prédilection. Donc l'exposition vise à émerveiller, à surprendre. Il y a à la fois un côté scientifique sur l'organisation d'une colonie, les capacités cognitives des abeilles, leur mémoire notamment, et puis leur combat contre les maladies, les prédateurs, dont nous. Et évidemment, le volet artistique, ce sont ces très belles photographies de ce photographe au gré des voyages, donc notamment les cueilleurs de miel sauvage au Népal ou la pollinisation à la main en Chine. Le jeune public dans ce muséum d'histoire naturelle est choyé parce qu'en plus du parcours spécial pour les petits, le muséum dispose d'une ruche vitrée et donc qui est reliée à l'extérieur par un tunnel et donc on voit les abeilles au travail. Voilà, c'est jusqu'au 10 novembre au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre. Une devinette à présent, quel lien entre le kilogramme, le kelvin, l'ampère et la mole? Qui ici peut répondre? Ce sont toutes des unités de mesure. Oui, mais encore. Elles font l'objet d'une exposition au CNAM. Oui, mais à l'automne dernier, figurez-vous que ces quatre unités de mesure, effectivement, ont été redéfinies par des constantes physiques. Et si vous voulez approfondir le sujet, vous allez donc effectivement au CNAM voir l'exposition Les 7 mesures du monde. C'est jusqu'au 5 mai. Enfin, toujours à Paris, la BNF, Bibliothèque François Mitterrand, retrace 2500 ans de représentation du ciel et de la terre. Objets d'art et de savoir sont réunis dans cette exposition intitulée Le monde en sphère. Et on y découvre que depuis l'Antiquité, depuis les calculs et les observations de Pythagore, de Platon ou d'Aristote, on sait que la Terre est une sphère et qu'elle n'est pas plate. Et c'est donc jusqu'au 21 juillet. Merci Sophie et merci à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. Et juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles, la fiction.